Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, l'allocation de rentrée scolaire et les modalités de son versement en cas de séparation des parents. L'allocation de rentrée scolaire, ARS, vise à aider les plus modestes à assumer le coût de la rentrée scolaire de leurs enfants. 3 millions de familles en ont bénéficié en 2023. Elle est donc versée sous condition de ressources aux familles ayant des enfants de 6 à 18 ans scolarisés en apprentissage ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé. L'ARS est donc versée à la fin du mois d'août précédant la rentrée scolaire et en une seule fois. Tous les ans, votre situation familiale est prise en compte pour savoir si vous pouvez en bénéficier ou non de cette allocation. Bien entendu, l'âge des enfants, les ressources annuelles N-2 et le nombre d'enfants à charge sont pris en compte. Alors, en cas de séparation, quels parents reçoivent cette allocation et les parents sont-ils tenus de la partager? D'abord, il faut savoir que toutes les prestations familiales ne sont pas partagées entre les parents. En effet, seules les allocations familiales le sont et l'allocation de rentrée scolaire, quant à elle, n'est octroyée qu'à un seul des deux parents. Alors, comment cela fonctionne en cas de résidence habituelle de l'enfant fixée chez l'un des parents, la fameuse garde exclusive? Donc, en cas de fixation de la résidence chez l'un des parents, l'allocation est logiquement versée aux parents qui bénéficient de la résidence habituelle des enfants. Généralement, le parent qui n'a pas la résidence des enfants règle une pension alimentaire et partage les frais exceptionnels décidés d'un commun accord. Parmi ces frais exceptionnels figurent les frais de scolarité, donc dépenses liées aux fournitures scolaires. Dans ce cas, il appartiendra au parent qui n'a pas la fameuse résidence habituelle de participer à hauteur de la moitié de ses frais exposés sur présentation justificative, déduction faite de la fameuse allocation de rentrée scolaire. Donc avant d'envisager toute participation financière, n'hésitez pas à demander à votre ex-conjoint la facture afférente aux frais ainsi que le dernier relevé CAF où doit être mentionné cette fameuse prime de rentrée scolaire. Qu'en est-il en cas de résidence alternée partagée fixée chez les deux parents? La résidence alternée concerne aujourd'hui entre 15 et 20% des enfants de couples divorcés, contre seulement 5% il y a 10 ans selon l'association Enfance et Partage. Comme indiqué dans l'article R513-1 du Code de la Sécurité sociale, c'est la règle de l'unicité de l'allocataire qui s'applique et qui fait que l'ARS n'est versée qu'à un seul parent après avoir informé la CAF de cette séparation. Le texte énonce que lorsque les demandes d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'il désigne d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment et l'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. L'aide alors sera accordée en totalité au premier d'entre eux qui en fera la demande auprès de la CAF. Pourquoi cette allocation de rentrée ne peut être partagée entre les deux parents? Alors, selon le site de l'Assemblée nationale, prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales soumises à condition de ressources conduirait à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs au plafond de ressources spécifiques à chaque prestation. Enfin, que se passe-t-il lorsque l'enfant concerné est confié à l'aide sociale à l'enfance ou placé? Il faut savoir que les sommes dues au titre de l'ARS sont épargnées sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Si aucun des parents n'a la garde de l'enfant et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou qu'il a été placé dans un établissement d'éducation. Les sommes sont donc conservées jusqu'à ce que l'enfant en fasse la demande et qu'il doit être majeur pour engager, bien entendu, cette procédure. À savoir, vous avez peut-être droit aux bourses de collège et de lycée attribuées par le ministère de l'Éducation nationale. Ces aides permettent bien entendu aux parents de financer les frais de scolarité de leur enfant pour leur rentrée au collège et au lycée. Tout comme l'allocation de rentrée scolaire, les bourses sont attribuées aux familles sous condition de ressources. Et ce qui est important, c'est que ces bourses sont cumulables avec l'ARS. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.